Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Un thème et quatre épisodes pour 59 minutes de radio Coups Humains. Cette semaine, La Grande Peste, l'empreinte d'une tueuse. Une série de Perrine Kervran réalisée par Anne Pérez. Alors pourquoi on vous raconte ça? Parce que cette épidémie qui semble s'installer a résonné de façon assez singulière pour ceux et celles qui ont fréquenté la peste noire dans les archives, où d'ailleurs on ne la trouve pas facilement, sauf en littérature, et sauf sous le microscope évidemment. Et dans vos oreilles aujourd'hui, la peste à la première personne, les mots de Pétrarque, Boccace et Machaut, et un bacille enfin identifié par les biologistes, par un aventurier scientifique en casque colonial qui ne craignait pas les moustiques. Mais pour commencer, 7e et 8e épisode, pendant le confinement, certains ont eu envie de lire Boccace. Salut, je suis Márcio Abreu, je suis à Rio de Janeiro, Brésil, 8 avril, 23h30. Je vais faire une deuxième lecture de la première nouvelle du Décaméron. Écrire après la peste. Je m'appelle Raphaël Bouchard, je suis confinée à Faverolles-sur-Cher en Touraine. Il est 7h30 et je vais lire la quatrième nouvelle de la première journée qui s'appelle La punition esquivée. Graziella Pastore, on est arrivé là dans un des magasins de la Bibliothèque Nationale, donc la bibliothèque qui est rue de Richelieu, celle où il y a les manuscrits. Et donc là, vous nous avez emmené ici pour venir chercher un manuscrit. Oui, nous allons prélever un manuscrit assez exceptionnel, le manuscrit qui porte la cote italien 482. Graziella Pastore est conservatrice au département des manuscrits de la BNF et on est allé la voir pour qu'elle nous montre un des plus vieux manuscrits du Décaméron de Boccace. Et nous allons le voir ensemble. Il est dans une boîte grise ? Il est dans une boîte grise pour le protéger. Nous avons ici effectivement un des manuscrits plus intéressants du Décaméron de Boccace qui est composé de 100 nouvelles organisées en 10 journées. Qui a été écrit par Jean Boccace entre 1349 et 1353. Nella terra di Prato fu già uno statuto. Il l'a donc écrit dans la foulée de la première épidémie, presque en réaction à la mort et à la terreur que j'ai semée. Et c'est intéressant de voir comment les auteurs ont écrit après la peste. C'est un recueil qui répond à un cadre structurel bien précis. C'est organisé en 10 journées. Pour échapper aux ravages de la peste à Florence, une brigade qui est composée de 7 jeunes femmes et 3 jeunes hommes ont décidé de se réunir dans une villa aux alentours de Florence et pour passer leur temps, ils racontent à tour de rôle une série de nouvelles. Bonjour, je m'appelle Mara Creusevaux. Je suis actuellement en France, à Émoutiers, sur le plateau des Mille Vaches. À 30 km de Limoges. Et je vais vous lire une nouvelle Décaméron, la 9e nouvelle de la... C'est pas la 9e, c'est la 9e? Ah oui, c'est la 9e. La 9e journée. Il s'agit effectivement d'un manuscrit qui est composé en parchemin. Il se compose de 215 feuillets. Et il mesure environ 35 cm de haut sur 25 cm de largeur. Il est conservé dans une rayure en maroquin rouge aux armes de Louis XIV. Et donc c'est un manuscrit assez épais. Et là, vous avez donc ouvert ce manuscrit. Et en haut d'une page, il y a un petit dessin qui n'est pas très grand. Hein. Je décris l'image. C'est une image qui se structure en trois temps. De gauche à droite. Elle, c'est Giulia Puma. Elle est historienne de l'art, spécialiste des images médiévales et elle a participé à un séminaire du Collège de France pour parler de l'art après la peste. À gauche, plane la mort dans les airs avec sa faux, très nettement reconnaissable. Sous elle sont entassés une bonne demi-douzaine de corps morts. Ensuite, au centre de cette vignette, on voit deux femmes qui rendent visite à un malade de la peste. Et enfin, sur la droite de l'image, on voit un cortège funèbre avec un groupe de 6 personnages qui portent sur ses épaules la dépouille recouverte par un drap d'une victime de la peste et qui est suivie par 3 assistants qui portent au bout d'une perche une croix. C'est un manuscrit absolument unique. C'est un manuscrit florentin, daté des années 1360-70. Et dans l'économie de la page, hein, la graphie est présente, c'est juste le haut de la feuille de parchemin qui va faire l'objet d'une vignette. C'est un rectangle très long avec un trait de plume couleur bistre, marron clair. Pourquoi j'ai retenu cette image? Bien sûr parce qu'il y a la représentation de la mort, mais surtout parce que depuis quelques décennies, comme l'a très bien expliqué dans son article, Maria Grazia Ciardi Dupré dal Poggetto a fait l'hypothèse que c'est Boccace lui-même qui a illustré cet exemplaire. Alors voilà, il y a peu d'images de moi, mais celle-là, il se pourrait que ce soit à Boccace que je la doive, comme s'il avait voulu marquer le coup et dessiner un avant-propos tragique et funèbre. Mais pourquoi on ne parle jamais de l'art de la Renaissance comme un monde d'après la peste ? Pourquoi ne fait-on pas, comme Boccace, démarrer les belles choses par un horrible commencement ? Pourquoi nous faut-il toujours des généalogies glorieuses ? Oh la peste, fiorellino ! Perché non la devi prendere anche te ? Je reconnais que le présent ouvrage vous paraîtra avoir un commencement pénible et ennuyeux, car il porte au front le douloureux souvenir de la mortalité causée par la peste que nous venons de traverser. Cet horrible commencement ne vous causera pas plus d'ennui qu'aux voyageurs une montagne raide et élevée, après laquelle vient une belle et agréable plaine, qui paraît d'autant plus séduisante que la fatigue de la montée et de la descente a été plus grande. Et de vrai, si j'avais pu honnêtement vous mener vers ce que je désire par un chemin autre que cet âpre sentier, je l'aurais volontiers fait. Je dis donc que dans la remarquable cité de Florence, belle au-dessus de toutes les autres cités d'Italie, parvint la mortifère pestilence qui, par l'opération des corps célestes ou à cause de nos œuvres iniques, avait été déchaînée sur les mortels. Jean Boccace. Durante il viaggio che portava Catalina lontana dalla casa, il dottore e il servo la videro morire. La lasciarono nella cripta di una chiesa abbandonata. En tous les cas, sur cette petite image à l'encre brune, je me reconnais assez bien. Mon crâne qui émerge d'une tunique, je plane au-dessus des cadavres, pieds nus, sans ailes. À côté, je reconnais un malade qui agonise sans doute, et ce doit être lui que ses amis enterrent sur l'image suivante. Mais ce ne sont pas que les images qui ont été attribuées à Boccace, parce que certains critiques ont également attribué la copie du texte à Boccace. Bon, est-ce que c'est lui qui tient la plume, ou est-ce que c'est lui qui parle avec celui qui tient la plume ? Dans tous les cas, l'auteur est derrière cette image. Et là, on aurait la trace que lui, il a souhaité visualiser aussi cet événement qui est tragique, mais qui génère, en fait, la possibilité même pour le Décaméron d'exister. C'est le complexe du survivant qui est « Pourquoi moi j'ai survécu ?» alors que tout le monde autour de moi est mort. Alors pour justifier le scandale que je sois encore en vie, il va falloir que je crée quelque chose qui soit exceptionnel et qui justifie, voilà, le fait que je reste parmi les vivants. Et je trouverais ça touchant, bien sûr, on n'aura pas de certitude, qu'il y ait donc une visualisation de ce trauma. Et ça nous ramène à ce par quoi on a commencé. C'est pourquoi je vous ai proposé qu'on commande ces images, parce qu'il y en a si peu. C'est-à-dire que c'est un événement tellement inouï qu'il a du mal à trouver sa place dans la narration. Lui, c'est Étienne Anaïm. C'est un médiéviste et cette année, il donne un cours sur Pétrarque à l'EHESS. Et il a travaillé aussi sur la question de la peste avec Patrick Boucheron et c'est pour ça qu'on a été le voir. C'est un paradoxe qui est intéressant mais qui fait réfléchir évidemment à tous les parallèles avec les situations contemporaines. Donc par exemple, là, nous venons de traverser presque 2 années de pandémie mondiale. Et du point de vue des représentations, par exemple, ces derniers temps, j'étais sensible à la question de la production des séries sur des plateformes comme Netflix pendant la pandémie. Or, ces séries ne donnent quasiment aucune place visible à la pandémie en tant qu'objet de fiction. Par exemple, le masque, qui est devenu un objet aussi si familier pour nous, eh ben, c'est un objet qui est tout à fait marginal visuellement. C'est-à-dire qu'imaginez qu'il y a des milliards de gens qui, depuis 18 mois, portent des masques. Si dans 500 ans, dans 600 ans, on ne dispose que, par exemple, des séries télévisées qui ont été produites et qui ont été diffusées après la pandémie, on ne verra quasiment pas les masques. Le fait saillant, c'est quand même que l'expression de la peur, elle est différée, elle est médiatisée, elle est déplacée. Alors lui, c'est Patrick Boucheron, c'est un médiéviste. Il est spécialiste de la ville et on a été le voir parce que depuis l'année dernière, il donne un cours sur la peste au Collège de France. Le meilleur exemple, c'est évidemment Boccace, le Décaméron, 1350. La peste n'est que l'horrible commencement, pour dire précisément ce qu'elle est dans le prologue de l'œuvre, c'est-à-dire les conditions de production d'un texte qui ensuite n'en parlera plus. On a peur, pour se rassurer, on se raconte des histoires, et c'est vieux comme l'humanité, on retarde en fait l'exécution, on retarde la mort pour se raconter une histoire de plus, une histoire de plus, une histoire de plus. Et donc on a un bouger comme ça, on a un trembler, on dirait au cinéma, qui nous empêche de dire, ben voilà, c'est Hiroshima, c'est une sorte d'immédiate transposition ou alignement entre la catastrophe et le flash que ça suscite dans le cinéma, dans la littérature, etc. Ça se passe pas du tout comme ça. Et cet effet de latence, moi, je le trouve absolument passionnant. Il s'est passé une année entière et une bonne partie d'une autre depuis que je n'ai pu, je ne dis pas faire quelque action, mais même prononcer une parole qui soit digne d'un homme. Cependant, un juge indulgent pourrait peut-être m'en excuser, venant à considérer que ce n'est pas pour quelque futilité que je pleure, mais pour l'année 1348, année qui non seulement nous a privés, nous, de nos amis, mais le monde entier aussi de sa population. Et Boccace n'est pas le seul à subir la violence de la peste et à se poser des questions. Il y a Guillaume de Machaut aussi, et puis il y a Pétrarque. Pétrarque vit en fait entre la Provence et l'Italie. Il est d'origine italienne, sa famille vient d'Arezzo, mais en fait il a grandi pour l'essentiel à Carpentras, et en 1348, lorsque la peste arrive à Avignon, il est en Italie. Il est en Italie, mais il y a des échanges de courriers, enfin c'est un monde où l'information circule, le monde du XIVe siècle, et Pétrarque va être très douloureusement frappé par la peste de 1348, puisque la femme alors idéalisée dans sa poésie, dont on ne connaît pas bien l'existence historique, qui s'appelle Laure, et qui est la femme dont il est amoureux et à qui il a dédié l'essentiel de sa poésie lyrique en langue italienne, disparaît en avril 1348. Et puis le cardinal Colonna, qui est son protecteur à la curie, disparaît quelques semaines plus tard. Donc au fond, il y a toute une partie du monde de Pétrarque qui s'effondre, et lorsqu'il rentre à Avignon, le monde est largement dépeuplé, mais y compris dépeuplé d'êtres qui lui sont chers, et ça va produire dans son imaginaire personnel, dans son perception du temps, dans sa perception aussi de son œuvre littéraire, un bouleversement très profond. Quand a-t-on pu voir ou entendre rien de semblable ? Dans quel livre d'histoire a-t-on pu jamais lire que des maisons étaient vides, des villes abandonnées, des campagnes incultes, des champs pleins de cadavres, et qu'une solitude immense et horrible couvrait toute la terre? Consulte les historiens, ils se taisent. Interroge les médecins, ils restent interdits. Demande aux philosophes, ils haussent les épaules, plissent le front et imposent le silence en mettant un doigt sur leurs lèvres. Pétrarque s'intéresse à cette idée de la correspondance entendue comme recueil dans les années 1340, parce qu'entre autres, il retrouve un célèbre manuscrit de Cicéron qui va lui servir de modèle pour ce qui était de l'organisation de ses correspondances antiques. Et il va, à partir de 1348, 1350 et jusqu'à sa mort en 1374, recueillir ses propres lettres. On a en fait presque 600 lettres environ. C'est l'un des grands moments réflexifs de la littérature européenne. C'est-à-dire que c'est un moment où Pétrarque va utiliser la correspondance pour être une sorte de laboratoire de l'écriture et de l'écrivain. C'est-à-dire que c'est une sorte d'autobiographie en miettes. Et ce travail-là, il porte le sceau de la peste. Et d'ailleurs, la première lettre du premier livre de la correspondance de Pétrarque est une lettre qui porte sur la peste et qui s'interroge sur ce bouleversement des temps qui le pousse finalement à inventer ce nouveau chantier littéraire. Que faire maintenant, mon frère ? Voilà que nous avons déjà presque tout essayé et nous n'avons trouvé le repos nulle part. Quand l'attendre ? Où le chercher ? Le temps, comme on dit, a glissé entre nos doigts. Nos anciennes espérances ont été ensevelies avec nos amis. L'année 1348 a fait de nous des hommes esselés et faibles. Ces dernières pertes sont irréparables. Tout ce que la mort inflige est une blessure incurable. Ô cameretta che già in te chiudesti, quel grande alla cui fama angusto è il mondo, quel si gentil d'amor mastro profondo per cui Laura ebbe in terra onor celeste. Et je crois qu'il faut prendre très au sérieux cette invocation que Pétrarque installe au début de sa correspondance, parce que c'est le seuil d'une de ses grandes œuvres littéraires de l'histoire européenne, mais c'est aussi la marque de ce que la peste a pu modifier dans le rapport à la création littéraire, mais plus généralement dans le rapport à la perception de soi et au récit de soi dans l'histoire de l'Europe. C'est-à-dire que la correspondance de Pétrarque va être le lieu d'enregistrement et d'élaboration d'une individualité artistique et littéraire qui, en même temps, effectivement, cherche à atteindre une forme d'universalité. Quand Dieu vit de sa mansion du monde la corruption, fit la mort ici de sa cage. Quand depuis son siège, Dieu vit la corruption du monde qui était partout si grande, aussitôt, sans plus attendre, il fit sortir la mort de sa cage, sans frein, sans bride, sans lien, sans foi, sans amour, sans modération, si fière et orgueilleuse, gloutonne et affamée, qu'elle ne pouvait se satisfaire de ce qu'elle engouffrait. Voudrait-on mettre par écrit le nombre de ceux qui moururent ? Tous ceux qui sont, qui furent et qui viendront ne pourraient y arriver, quelque peine qu'ils prissent. Personne ne pourrait en donner le nombre, l'imaginer, le penser, ni le dire, ni le représenter, ni le montrer, ni le coucher par écrit. Guillaume de Machaut. Guillaume de Machaut, c'est le plus grand musicien et poète d'Europe au XIVe siècle. Estelle Doudet, c'est une chercheuse en littérature, spécialiste de la littérature médiévale. Et si on va la voir, c'est qu'elle a écrit un article pendant la crise du Covid sur la question d'une révolution littéraire après l'épidémie. Alors c'est un poète et un musicien de cour. Lorsque la peste atteint la France, et en particulier la région parisienne, Machaut se trouve probablement à Paris. Et il vient de rentrer au service de Charles de Navarre, un jeune prince. Alors le jugement du roi de Navarre, c'est un des poèmes que Machaut va consacrer à la peste. Enfin, c'est ce qu'on appelle un dit, c'est-à-dire une histoire, écrite en vers à la première personne par le poète, qui raconte ce qui lui arrive. Donc le poème s'ouvre en 1349 à peu près, on est au mois de novembre, le 9 novembre, dit Machaut, et il se présente d'abord comme seul dans sa chambre. Pourquoi ? Parce qu'il est confiné, il ne peut pas sortir, et donc il ne peut pas faire ses activités poétiques comme d'habitude, c'est-à-dire sortir, rencontrer des gens, trouver l'inspiration dans la nature, mais aussi dans le dialogue avec des femmes et des hommes de cour. Tout ça est devenu impossible parce que la peste règne, donc la mortalité, non seulement la mortalité, mais aussi une atmosphère pestilentielle, hein, et donc il doit trouver d'autres moyens de trouver l'inspiration, il n'en trouve pas. Et donc c'est ça que raconte ce début, c'est-à-dire un bouleversement du monde qui empêche l'écrivain d'écrire. En l'an 1349, le 9e jour de novembre, je me promenais dans ma chambre. Si l'air avait été clair et pur, je serais allé ailleurs. Mais il était si obscur que les montagnes et les plaines étaient couvertes de brunes. C'est la raison pour laquelle je me tenais à l'abri, car tout ce qui d'habitude était vert avait changé de couleur. La bise avait tout décoloré, elle qui a coupé maintes fleurs par la froideur de son épée. J'étais donc en proie à la mélancolie, tout seul dans ma chambre. L'air, qui était frais et pur, fut désormais vicié, noir et obscur, laid et puant, trouble et plein de pu, à tel point qu'il devint totalement corrompu. Alors corrompus alain, corrompuit les autres saints, et son camarade est détruit, saint-siens amis le visent tuit, il est tuit en pareil péril, dont il en mourut 500 000. Si que les fils falluaient au père, la fille falluait à la mère au fil et à la fille, pour tout anse de la morille. Ensuite, dans un deuxième temps, il raconte les conséquences sociales de cette grande épidémie, comme on dit à l'époque, c'est-à-dire la destruction des familles, le bouleversement des gouvernements, la destruction de l'économie. Donc ça, c'est un ensemble, une peinture générale d'une société qui est en train de s'écrouler. Donc la peste est montrée non seulement comme un contexte réaliste, mais aussi comme une sorte de cadre symbolique de l'anéantissement de la possibilité d'écrire de la littérature, enfin, ou de faire de littérature. À partir de ce cadre réel, Machaut va inventer une nouvelle symbolique. On n'est plus au printemps, au moment où les oiseaux chantent et où l'inspiration amoureuse vient au poète. On est à l'automne, l'hiver vient, la mort rôde, le poète n'a plus de voix, n'a plus de souffle, n'a plus personne autour de lui. Et comment, à ce moment-là, composer ? Ça, c'est la question que pose la peste. Tout va changer, c'est-à-dire que la femme n'est plus difficile à conquérir, elle est morte. Donc, c'est radical. Et on n'écrit plus des chansons pour elle, on écrit des épitaphes. On grave sur sa pierre tombale des regrets. Mais le poète lui-même, alors, il n'est pas mort, mais il s'imagine comme une sorte de mort vivant, vieux ou vieillissant. Et quelqu'un comme François Villon, à peine 30 ans, écrit un testament. Donc, même quand on est jeune, en fait, on se vit comme vieux, ou bien comme malade, ou bien comme infirme, et on a des autoportraits comme le fait Eustache Deschamps, qui explique qu'il est chauve, il est borgne, il a tout un tas de maladies, il boite, enfin, sa santé chancelle, et évidemment, il n'est plus du tout en mesure de conquérir les femmes qui, par ailleurs, sont mortes. Et du coup, bah, toute la pensée même de la littérature ne peut plus être un imaginaire de la chanson, de la voix, de l'inspiration vivante, mais plutôt de l'écriture, de quelque chose qu'on va faire seul, on va composer seul, dans sa chambre, la nuit, l'hiver, on en est un peu déprimé. Et puis on ne compose plus de chansons, on compose des choses qui s'écrivent parce que tout le monde est à distance, on est confiné chez soi. Et les lecteurs sont loin, désormais. Donc il faut leur écrire. Alors on va imaginer des poésies lettres, plutôt que des poésies-chansons. La littérature se désenchante au sens propre du terme, c'est-à-dire qu'elle perd la musique. Et ce n'est pas un hasard si Guillaume de Machaut est le dernier poète musicien dans les régions d'expression française à se revendiquer et à être reconnu comme tel. Après lui, les écrivains se diront « eh bien, on est écrivain ». Finalement, ça me flatte un peu tout ça, d'avoir donné une nouvelle voix aux écrivains, d'avoir désenchanté le monde et d'être le début de quelque chose de neuf. Alors, je pense que c'est une rupture qui est très largement inconsciente, mais en revanche, une conscience claire du fait que les temps étaient en train de changer et qu'il fallait de nouvelles formes pour raconter ces nouveaux temps. Alors ça, oui, c'est-à-dire cette idée que finalement, on est face à des temps nouveaux. Cette idée de la nouveauté, hein. Le mot nouveau est un mot très négatif dans la tradition médiévale. Ce qui est nouveau, normalement, c'est mal. Une nouvelle coutume, des nouvelles gens, des nouvelles habitudes, c'est toujours négatif. Mais cette perception qu'il y a maintenant un nouveau qui est inéluctable et que ce nouveau, il va falloir se l'approprier par des formes qui sont des formes de vie sociale, mais qui sont aussi des formes d'imaginaire qui peuvent être, par exemple, littéraires. Ça, c'est une idée très forte qui, je crois, est liée au surgissement de la peste pour des écrivains tels que Boccace ou Pétrarque. Oh, il ponte, il bel paese, loco, ov'io fui giunto da due begli occhi che legato m'hanno. Donc, certains des genres littéraires essentiels de la tradition européenne du XIVe jusqu'au XXe, voire au XXIe siècle, finalement, naissent dans ce contexte et font rupture, dans une certaine mesure, avec ce qu'était la littérature des siècles précédents, qu'on appelle le Moyen-Âge. On passe après la tradition médiévale des trouvères et des troubadours. On quitte la jeunesse des poètes. On quitte l'amour des femmes. On quitte une littérature qui s'était imaginée sous le signe du printemps. Et Machaut a placé d'une manière très symbolique le début du jugement du roi de Navarre, où il raconte la peste 1349-1350 à Paris. À l'époque de l'automne, on est le 9 novembre 1349. « Je prends la plume à ce moment-là », dit Guillaume. Ce n'est pas forcément une date réelle, c'est une date symbolique. Nous sommes dans l'automne du monde, nous venons après. Ce qui est certain, c'est que Machaut lance une mode littéraire, si on veut, ou plutôt impulse un imaginaire de la mort, de la perte de la capacité d'écrire ou de chanter, etc., qui est un imaginaire qui va durer environ 150 ans. Jusqu'au début du XVIe siècle, et qui va donc caractériser la production poétique, littéraire française du XIVe, XVe et début du XVIe siècle. Boccace, c'est tout à fait différent. D'abord, dans le Décaméron, il n'y a pas vraiment d'après-peste. Hein. On nous dit dans le prologue, bah, maintenant la peste est finie, mais jamais on nous dit ce qu'est devenu le monde après la peste. On ouvre un espace de possible, on nous dit voilà, il y a eu la peste. Pendant cette passe, il s'est passé des choses formidables. Les femmes ont été libérées, d'un point de vue de la parole, d'un point de vue du sexe aussi. Un dialogue nouveau s'est créé, et puis ce dialogue était placé sous le signe de l'invention, sous le signe du conte ludique, des petits récits, des anecdotes, de l'amour. Dans des conditions privilégiées, des sortes de thébaïdes, des utopies à l'extérieur du monde. Donc l'après-peste pour Boccace, c'est l'utopie. Elisabeth. Nous, ci salva da sole. Ce n'andiamo via da qui. C'est-à-dire que, à la fin, ce que produit Boccace, avant le Décaméron, mais quand même, surtout avec le Décaméron, c'est une révolution narrative. Qu'est-ce que ça produit? Ça produit le développement d'une nouvelle, d'un nouveau genre littéraire, qu'on appelle les nouvelles. Décaméron, c'est d'une certaine manière la matrice de ce qu'on va appeler la novellistica. La nouvelle, c'est ce qui vient d'advenir. Et donc, c'est la mise en récit de l'événement en cours. Et l'événement en cours pour Boccace, c'est la dernière catastrophe en date. C'est la peste. Et donc, en règle générale, on dit de Boccace qu'il décrit la peste dans son prologue, et qu'ensuite ça parle d'autre chose. Mais il faudrait suivre le sillage de la peste dans toute l'œuvre. C'est-à-dire considérer comment le désir, le rire, la subversion, le rapport homme-femme aussi peut être affecté dans l'ensemble de cette œuvre qui est matricielle d'une révolution narrative par l'épidémie. Et la première scène, elle est magnifique. Elle se situe à Santa Maria Novella, et ce sont des jeunes femmes, très jeunes femmes, qui sont à l'église pour prier les morts, et qui voient que tout le monde s'enfuit, et elles sont obligées de rester là pour porter le deuil. Et elle se révolte. Tout le monde s'en va. On n'est pas obligé, nous, de supporter le poids du malheur. Et si on partait aussi? Alors, fondamentalement, c'est une révolte féminine qui décide, d'une certaine manière, de quitter les habits de deuil, de se sauver. Donc, je pense que le Décaméron est un texte fondamental, matriciel, il l'est sur le plan historique, il l'est sur le plan littéraire, il précipite une révolution narrative, et le moteur de cette révolution, c'est l'épidémie, c'est la mort, et c'est le discours du survivant. Donc, ce qu'on appelle parfois l'automne du Moyen-Âge, ça pourrait aussi être très bien le printemps de la Renaissance, et on pourrait considérer que la peste, c'est la fin d'un temps médiéval et d'un certain rapport au temps qui est celui qu'on appelle aujourd'hui le Moyen-Âge. Se questa non se ne va, ci porta via tutti.